toi, hâte-toi de me secourir, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit comme l'encens devant ta face et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, ne laisse pas mon cœur se porter vers le mal, ni participer aux œuvres de l'injustice. Mes yeux sont tournés vers toi, ô Seigneur, en toi je cherche mon refuge. Quand le juste me frappe, c'est une bonté, mais l'huile du méchant ne parfumera pas ma tête, car encore je prie contre leur méchanceté, et toi tu me délivreras dans ta justice. En toi je cherche mon refuge. Garde-moi, Éternel.